voiture verte passe la première. Réponse A. La voiture rouge passe la première. Réponse B. Je passe le premier. Réponse C.